بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui se détournent des propos futiles, qui s'acquittent de la zakat, et qui s'abstiennent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, auquel cas ils ne sont pas à blâmer. Mais ceux qui désirent aller au-delà de ces limites sont des transgresseurs. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sont bienheureux également ceux qui veillent sur les dépôts qu'on leur a confiés et honorent leur engagement et qui observent strictement leurs prières. Ce sont eux les héritiers à qui reviendra le paradis où ils demeureront éternellement. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un réceptacle solidement fixé. Ensuite, nous avons fait de cette goutte de sperme une adhérence, et nous avons façonné cette adhérence en un amas de chair, dans lequel nous avons dessiné des os que nous avons ensuite revêtus de chair, puis nous l'avons fait se développer en une nouvelle création. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. Et assurément, après cela, vous mourrez, et au jour de la résurrection, vous serez ressuscité. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ Nous avons créé au-dessus de vous sept cieux superposés, et nous ne sommes jamais inattentifs à notre création. Du ciel, nous faisons descendre avec mesure une eau que nous maintenons dans la terre, et nous sommes bien capables aussi de l'évacuer. Avec elle, nous produisons pour vous des palmeraies et des vignobles, vous offrant des fruits en abondance dont vous vous nourrissez, ainsi qu'un arbre, l'olivier, qui pousse au mont Sinaï et qui fournit de l'huile, condiment fort apprécié. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Et dans les bestiaux, il y a certes un sujet de méditation pour vous. Nous vous donnons à boire de ce qu'ils ont dans le ventre, et vous trouvez également en eux mainte utilité. En outre, vous vous nourrissez de leur chair, et sur leur dos, de même que sur les vaisseaux en mer, vous êtes transportés. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون Nous avons certes envoyé Noé à son peuple. Il leur dit: Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez aucun autre Dieu à part lui. Ne le craindrez-vous pas? Mais les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dirent aux gens: Cet homme n'est qu'un mortel comme vous, qui cherche à se rendre supérieur à vous. Si Dieu avait voulu envoyer des messagers, il aurait pu envoyer des anges. Nous n'avons jamais entendu rien de pareil chez nos ancêtres les plus reculés. Et d'autres dirent: Ce n'est qu'un homme atteint de folie, tenez-le à l'œil pendant quelque temps. Noé implora: Seigneur, viens à mon aide, car il me traite de menteur. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Alors nous lui révélâmes: Construis une arche sous nos yeux et selon notre révélation. Et quand viendra notre commandement et que l'eau jaillira à gros bouillons de la terre, fais monter dans l'arche un couple de chaque espèce, de même que ta famille, à l'exception de ceux d'entre eux contre qui la parole a déjà été prononcée. Et ne plaide pas auprès de moi en faveur des injustes, car ils seront certes noyés. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. Et une fois que vous serez installés à bord de l'arche, toi et ceux qui t'accompagneront, dites « Louange à Dieu qui nous a sauvés du peuple injuste !» Et dis « Seigneur, fais-moi aborder sur des rivages bénis, car c'est toi qui conduis le mieux à bon port. Voilà bien la désigne, et certes, nous éprouvons toujours les gens. » ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Puis après eux, nous avons fait naître d'autres générations. Et nous avons envoyé parmi chacune d'elles un messager issu d'elles pour dire « Adorez Dieu, vous n'avez aucun autre Dieu à part lui, ne le craindrez-vous pas ?» وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. Il est notable de son peuple qui ne croyait pas, qui niait la rencontre de l'au-delà, et auxquels nous avions accordé des biens en abondance dans la vie présente, disait « Cet homme n'est qu'un mortel comme vous, il mange de ce que vous mangez et boit de ce que vous buvez. Si vous obéissez à un mortel comme vous, vous serez certainement perdant. Vous promet-il que lorsque vous serez mort et devenu poussière et ossement, vous serez ramené à la vie ?» هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ. Loin, loin ce qu'on vous promet. Il n'y a pas d'autre vie que celle-ci. Nous vivons et nous mourrons, voilà tout. Et nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui a forgé un mensonge, qui l'impute à Dieu. Nous ne croirons pas en lui. Seigneur, implorait le messager, viens à mon aide, car il me traite de menteur. Et Dieu disait, avant peu, ils s'en repentiront. Puis, le terrible grondement les saisissait en toute justice, et ils devenaient semblables à des débris, emportés par un torrent. Que disparaissent à jamais les injustes. Puis après eux, nous avons fait naître d'autres générations. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Nulle communauté ne peut avancer ni reculer le terme qui lui est fixé. Ensuite, nous avons envoyé nos messagers de façon successive. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, celle-ci le rejetait. Alors nous les avons faites se succéder les unes aux autres dans la destruction et avons fait d'elles le sujet de récits légendaires. Que disparaissent à jamais les peuples qui ne croient pas. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron avec nos signes et nos preuves manifestes à Pharaon et ses notables, mais ceux-ci les traitèrent avec hauteur, car c'étaient des gens tyranniques. Il dit, croirons-nous en deux mortels comme nous, dont le peuple nous est soumis? Ils les rejetèrent et firent ainsi partie de ceux qui furent détruits. Et nous avions donné à Moïse l'écriture, afin que son peuple puisse suivre la bonne voie. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Et du fils de Marie et de sa mère, nous avons fait un signe, et nous leur avons donné refuge sur une colline solide et dotée d'une source. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Ô messager, nourrissez-vous d'aliments licites et agréables et faites le bien. Je suis certes au courant de tout ce que vous faites. Certes, cette religion qui est la vôtre est unique dans son essence et je suis votre Seigneur. Accomplissez donc vos devoirs envers moi. Les gens ont divisé en sectes leur religion, chaque secte trouvant satisfaction dans sa propre doctrine. Laisse-les donc dans leur égarement pour un temps. Pensent-ils que ce que nous leur accordons, en bien et en enfant, soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, quelle erreur de leur part! إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. Ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur, qui croient en ses signes et qui ne lui associent rien, qui donnent ce qu'ils donnent, cependant que leur cœur est rempli de crainte, à la pensée de devoir retourner vers leur Seigneur. Ceux-là se disputent entre eux la course aux bonnes actions, et ils sont les premiers à les accomplir. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. Auprès de nous existe un livre qui dit la vérité, et les hommes ne seront point lésés. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إن إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ. Mais leur cœur demeure dans l'ignorance au sujet du Coran, sans compter les mauvaises actions qu'ils accomplissent. Lorsque nous saisirons les plus aisés parmi eux, ils se mettront alors à nous supplier. Mais il leur sera dit: ne suppliez pas aujourd'hui, vous n'aurez certainement aucun secours de notre part. Mes versets vous étaient récités, mais vous vous en détourniez, plein d'arrogance, et vous en disiez des sottises au cours de vos veillées. N'ont-ils pas médité sur la parole de Dieu, ou serait-ce qu'ils ont reçu ce que leurs ancêtres n'ont jamais reçu ? أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Ou leur messager serait-il pour eux un inconnu qu'ils le renient à ce point? Ou disent-ils: il est possédé? Au contraire, c'est la vérité qui leur a apporté, mais la plupart d'entre eux l'ont en horreur. Si la vérité se pliait à leurs désirs, les cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Nous leur avons au contraire donné leur rappel, le Coran, mais ils s'en détournent. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. Leur demandes-tu une rétribution, ô Mohammed? Mais la rétribution de ton Seigneur est bien meilleure, car il est le meilleur dispensateur de votre subsistance. Tu les appelles certes vers le droit chemin. Mais ceux qui ne croient point en l'au-delà sont bien écartés de ce chemin. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Si nous nous montrions miséricordieux envers eux et les soulagions de leurs maux, ils n'en persisteraient pas moins dans leur entêtement, errant aveuglément ici et là. Nous leur avons déjà infligé un châtiment, mais ils n'en ont pas été plus humblement soumis à leur Seigneur, et ils n'en prient pas davantage. Mais un jour, nous ouvrirons pour eux la porte menant à un châtiment extrême, et ils se trouveront soudain désespérés. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. C'est lui qui a créé pour vous les facultés d'entendre, de voir et de ressentir. Mais vous en êtes rarement reconnaissant. C'est lui qui vous a répandu sur la terre et c'est vers lui que vous serez rassemblés. C'est lui qui donne la vie et la mort et c'est de lui que dépend l'alternance de la nuit et du jour. Ne raisonnez-vous donc pas? بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Ils tiennent plutôt les mêmes propos que leurs prédécesseurs. Ils disent: lorsque nous serons morts et réduits en poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? Une telle promesse nous a été faite, comme elle l'a été autrefois à nos ancêtres, mais ce ne sont là que des fables des temps anciens. Dis, à qui appartiennent la terre et tous ceux qui y vivent? À Dieu, répondront-ils. Dis, ne vous rappelez-vous donc pas? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Dis, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? C'est Dieu, répondront-ils. Réponds-leur, ne craignez-vous donc pas? Dis, qui détient dans sa main le pouvoir souverain sur toute chose? Qui donc protège tandis que contre lui il n'y a point de protecteur? Dites-le si vous le savez. Ils diront: Dieu. Réponds alors: seriez-vous donc ensorcelé pour ne point y croire? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. C'est plutôt la vérité que nous leur avons apportée, mais eux ne font que mentir. Dieu ne s'est point attribué de fils, et il n'existe aucune autre divinité avec lui. Sinon, chaque divinité se serait sûrement emparée de ce qu'elle aurait créé, et certaines en auraient dominé d'autres. Gloire à Dieu, il est au-dessus de tout ce qu'ils prétendent. Il connaît toutes choses, qu'elles soient invisibles ou visibles. Il est bien supérieur à tout ce qu'on lui associe. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. Dis, Seigneur, si jamais tu me montres ce qu'il aurait promis, fais du moins, Seigneur, que je ne sois pas parmi les injustes. Nous sommes certes capables de te montrer ce que nous leur promettons. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Nous sommes très bien informés de ce qu'ils prétendent. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Et dit, Seigneur, je cherche refuge en toi contre les tentations des démons. Et je cherche refuge en toi, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Seigneur, renvoie-moi sur terre, afin que je me rachète et accomplisse de bonnes œuvres dans ces domaines que je négligeais. Mais ce ne sont que de vaines paroles qu'ils prononcent. Derrière eux, et jusqu'au jour où ils seront ressuscités, se dresse une barrière. » فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, il ne subsistera plus aucun lien de parenté entre eux, et ils ne penseront point s'enquérir les uns des autres. Puis, ceux dont les bonnes œuvres pèseront lourd dans la balance seront les bienheureux, et ceux dont les bonnes actions pèseront peu seront ceux qui auront ruiné leur âme, et ils demeureront en enfer pour l'éternité. Là, le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. Il leur sera dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités, et vous les traitiez alors de mensonges ? Ils diront, Seigneur, notre malheur nous a vaincus, et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous sortir de ce lieu, et si nous récidivons, nous serons alors vraiment injustes. Et il leur sera répondu, demeurez-y plutôt dans l'humiliation, et ne me parlez plus. Parmi mes serviteurs se trouvait un groupe qui disait « Seigneur, nous croyons, pardonne-nous et sois miséricordieux envers nous, car tu es le meilleur des miséricordieux. » Mais vous en avez fait un objet de risée, au point où cela vous a fait oublier de m'invoquer, et vous riez d'eux. Certes, je les récompense aujourd'hui pour leur patience, et ce sont eux maintenant qui triomphent. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Il leur sera demandé, combien d'années êtes-vous restés sur terre ? Ils répondront « un jour » ou « moins qu'un jour », qu'on s'en réfère plutôt à ceux qui comptent. Il leur sera alors répondu « vous n'y êtes demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramené vers nous ? Que soit exalté Dieu, le véritable souverain. Nul ne doit être adoré en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. » ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Quiconque invoque une autre divinité avec Dieu, sans détenir une preuve évidente de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront jamais. Et dit, ô Mohammed, Seigneur, pardonne et sois miséricordieux, car tu es le meilleur des miséricordieux.